Vous écoutez Radio Gamozo. Radio Gamozo. 107.0. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence dans les studios de RGM. Aujourd'hui, je suis avec Juliane et Annie. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Bonjour Laura. Votre deuxième participation, Annie. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien, enchantée, je m'appelle Juliane Marchal, je suis la responsable administrative de la plateforme d'accompagnement et de répit à Saint-Nabord. Alors, bonjour à tout le monde, moi je suis Annie Morel, je suis praticienne bien-être donc sur Saint-Étienne-lès-Mirmont. Et c'est quoi la plateforme d'accompagnement et de répit ? La plateforme d'accompagnement et de répit, c'est un service financé par l'Agence régionale de santé à destination des proches aidants, des personnes qui s'occupent d'un proche dépendant au quotidien. Et ça existe depuis combien de temps ? Alors la nôtre a été lancée à partir de 2015. C'est une réponse à un appel à projet qui a fait suite au plan Alzheimer et à la canicule où l'Agence régionale de santé s'est aperçue qu'il y avait un besoin d'accompagnement des aidants à domicile. Notre plateforme de répit est portée par une association qui s'appelle Régévo, le réseau gérontologique des Hauts-de-Vosges. Régévo, c'est une association de directeurs d'établissements médico-sociaux qui se réunissent dans des groupes de travail pour améliorer la prise en charge des personnes âgées accueillies en établissement. Et elle se trouve où, cette structure ? On est basé au 39 rue du Centre à Saint-Nabord. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Quel est votre rôle au sein de cette structure à vous ? Aujourd'hui, je suis la responsable administrative, donc mon rôle, c'est d'encadrer et développer les services de la plateforme. Comme on est porté par le Régévo, on a un rayonnement plus important sur le territoire. Initialement, les plateformes de répit sont portées par un seul établissement médico-social. Et nous, on a fait ce choix-là d'être portées par plusieurs établissements pour pouvoir avoir un rayonnement plus important sur le territoire. Donc, on va aussi bien de Cheny-Ménil à La Vosges-les-Bains, au Val d'Ajol, à Saint-Maurice-sur-Moselle, la Bresse et la Grange au Monzet, etc. Alors, je suppose que vous ne travaillez pas toute seule. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui travaillent avec vous ? Oui, bien sûr. Alors, moi-même, je suis à temps plein. Il y a aussi une animatrice, Audrey, qui est coordinatrice du service sur les animations. Donc, elle développe les projets d'animation et en assure le suivi. On a aussi un mi-temps qui est là pour assister et soutenir l'animatrice dans l'accompagnement des proches aidés sur les activités, car on propose du répit autant aux aidants que à leurs proches, car c'est parfois indissociable. On leur propose de venir profiter de ces moments-là ensemble, ou s'ils n'ont pas la possibilité d'amener leurs proches, le proche peut être gardé à domicile dans le cadre des plans d'aide, etc., et l'aidant vient seul, ou alors ils peuvent simplement déposer leurs proches aidés et eux prendre du répit en faisant, en allant faire leurs courses ou en prenant des rendez-vous de coiffeur sur ce temps-là. Et quelles qualités il faudrait y avoir selon vous pour travailler dans cette structure ? Par exemple, est-ce qu'il faut beaucoup d'empathie ou est-ce qu'il faut avoir aussi un peu de recul ? Il est primordial d'avoir une certaine distance professionnelle parce que c'est une bonne chose d'avoir de l'empathie. Il en faut dans ces métiers-là, il faut vouloir et aimer aider son prochain. Mais c'est important de garder une distance professionnelle pour se protéger aussi soi-même et pouvoir accompagner des personnes avec une certaine distance. On a l'obligation, d'une certaine façon, d'avoir une proximité pour qu'il y ait une relation de confiance. Mais il faut aussi que nous, on se protège et qu'on reparte pas chez nous avec le bagage émotionnel que ce travail implique. Même si vous devez avoir un certain recul professionnel, est-ce qu'il y a quand même des personnes qui vous ont touché plus que d'autres ? Après, il y a des situations qui peuvent faire écho avec avec des expériences qu'on a pu avoir dans notre vie personnelle. Ce qui facilite notre accompagnement de ces personnes-là, c'est aussi qu'on apprend à connaître leurs proches dans un contexte où il y a déjà la maladie. Donc on n'a pas toutes les représentations que peut avoir l'aidant de son proche, et on a la capacité d'accueillir la personne et de l'accompagner avec ses difficultés et de voir autant les évolutions positives que négatives que les proches qui vivent avec eux au quotidien ne s'aperçoivent peut-être plus. Et le Régévo, c'est un organisme qui s'occupe que des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ? Non, notre plateforme de répit propose un service à tous les aidants qui s'occupent d'un proche dépendant, que ce soit la maladie, le handicap ou l'avancée en âge. Et voilà, c'est tout niveau de dépendance. Il n'y a pas de légitimité. On va autant avoir des personnes qui s'occupent d'un proche une à deux fois par semaine parce qu'ils sont en activité professionnelle, que des personnes qui s'en occupent au quotidien. Il y a des personnes qui viennent aussi de manière préventive. Voilà, à partir du diagnostic, ils s'intéressent à nos services et savent voilà, qu'on existe et commencent à s'intégrer au groupe et aux activités, même si la maladie ne demande pas un accompagnement, on va dire, assez intensif. Mais on a aussi des personnes qui arrivent au service qui sont très épuisées, qu'on accompagne aussi. Je voulais partager avec vous une citation de Ronald Reagan qui disait que nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Alors, plus ou moins, je pense que toutes les situations ont leur singularité. Il faut prendre aussi en compte l'histoire de vie des personnes. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aidants. C'est vrai qu'ils font tous comme ils peuvent. Donc, oui, on peut tous aider quelqu'un, mais voilà, si on le fait, c'est qu'on le veut aussi. Il faut être vigilant aussi à poser ses limites et à garder aussi son rôle initial dans la relation et pas se laisser happer par la relation d'aidant. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différentes activités de la plateforme d'accompagnement et de répit. À tout de suite sur Radio Gémozo. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, itty bitty, tini winny, tout petit, petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle itty bitty, tini winny, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain. Car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit, petit, petit, tini, wini, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle dit petit, tini, wini, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3, savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi? Son petit, itty bitty, tini winny, tout petit, petit. L'histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Juliane et Annie après avoir écouté ce petit titre estival de Dalida. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez choisi, cette chanson ? On l'a choisi parce que sur une activité karaoké, une personne qu'on accompagne, une proche aidée qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, il y avait une petite anecdote sur cette musique. Quand elle est sortie, elle a fait un peu polémique et elle avait l'habitude de la fredonner et sa mère n'a pas apprécié. Alors c'est quoi les différentes missions du Régévo ? Alors encore une fois, je veux dire, le Régévo et la plateforme de répit, c'est différent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme de répit qui est portée par cette association-là. Donc, nos missions sont d'apporter un appui aux aidants, de répondre à leurs besoins d'informations, à les écouter, leur porter conseil et voilà, on a un rôle aussi de relais pour conforter les aidants dans leur rôle. On doit aussi favoriser le maintien de la vie sociale des aidants, lutter contre leur repli. Pour ce faire, on propose diverses prestations et animations de répit de l'aidant avec ou sans son proche malade. Et on doit aussi communiquer auprès des partenaires pour repérer les aidants. Parce que je vais tout de suite faire le lien, pour les aidants, c'est plus simple d'accepter de l'aide qu'on leur propose que d'aller demander de l'aide. Et ce qu'on invite à tous les partenaires qui peuvent en rencontrer dans leur prise en charge, c'est avec leur accord de prendre leurs coordonnées et de nous les donner. Comme ça, nous, on prend contact avec eux. On leur demande de les rencontrer à domicile, donc on se déplace à domicile. On a un plan de vue assez large sur la situation et on peut adapter voilà, les services qu'on peut leur proposer. Et on les met en confiance. Est-ce que vous pensez, quand on pense trop aux autres, on peut s'oublier soi-même? C'est effectivement le constat qu'on peut faire. Les proches aidants vivent pour deux personnes au quotidien et ne prennent parfois plus le temps d'assister à leurs propres rendez-vous médicaux parce qu'il y a le souci de la garde du proche en parallèle. Donc ils s'occupent bien de leurs proches, les emmènent à leur rendez-vous, mais eux ne pensent plus à eux. Ils ne sont plus la première préoccupation. J'avais reçu France Alzheimer 88 il y a quelques semaines. Il disait que des fois, les aidants, ils tombaient malades à force de s'occuper de la personne, parce qu'il y avait beaucoup de charge mentale, en fait. C'est quoi, justement, la charge mentale? La charge mentale, c'est l'épuisement progressif des proches aidants avec l'intensité de l'aide portée, l'évolution de la maladie, la remise en question constante de l'aidant, la culpabilisation de l'aidant quand son proche arrive encore à réaliser certaines tâches avec d'autres personnes et avec eux, ce n'est pas possible. Les personnes malades qui se rendent compte de leurs troubles et qui culpabilisent du mal que c'est de s'occuper d'eux au quotidien auprès de leur aidant. C'est très complexe. Il n'y a pas une situation similaire pour deux personnes qui vont s'occuper, on va dire, d'un conjoint atteint d'Alzheimer. Ce ne sera pas du tout la même situation, les mêmes besoins d'accompagnement et d'aide. Mais nous, justement, on essaie de soulager cette charge mentale en leur proposant sur quelques heures dans la semaine un temps de repos, permettre de se ressourcer sur quelques heures et de plus penser voilà, à tout ce qu'ils ont à prévoir à domicile et à anticiper la nuit qui peut être compliquée, etc. Comment est-ce que vous aidez les aidants? Est-ce que vous faites appel à d'autres personnes? Oui, et c'est vital dans notre accompagnement. Autant on va proposer des activités en interne avec notre animatrice, donc un à deux jours par semaine. Mais pour avoir un rayonnement sur le territoire, on doit aussi se délocaliser de Remiremont et ses vallées et aller plus sur les fonds de vallée. Et on a aussi besoin d'avoir un retour des différents partenaires, car nous, on va aller voir d'une certaine façon pendant 3 heures sur une activité. Mais par exemple, un rendez-vous psychologique, un rendez-vous avec la psychologue ou avec un massage. Et du coup, je vais introduire Annie qui pourra vous en dire plus. Ouais. On a aussi un retour qui est différent parce que c'est pas le même moment, c'est pas le même répit proposé. Et voilà, il y a des retours qui sont importants aussi dans les autres activités. Tout à fait. Alors moi, je propose donc des massages bien-être, des massages énergétiques et des massages de remise en forme. Et je suis en partenariat donc avec Régévo dans le cadre de la plateforme. Alors le but du partenariat, c'est d'améliorer la prise en charge de la personne et également d'avoir une autre vision de la situation. Donc je reçois une fois par mois 3 personnes, donc soit des aidants, soit des aidés, soit individuellement, soit en couple. Et je vais écouter là où les personnes, je vais accompagner et rechercher avec la personne donc ses besoins afin de proposer donc un soin adapté. Il y a une relation de confiance qui va s'installer. Alors pour les personnes non verbales, c'est pas plus compliqué, parce que le toucher, justement, avec le toucher, on va introduire vraiment une relation de confiance, et la personne, elle va pouvoir libérer des émotions. Alors ça peut être des émotions par les pleurs, ça peut être des émotions au niveau du corps. Alors j'ai introduit aussi, bien sûr, la musique, c'est hyper important pour les personnes qui sont aphasiques. Moi, je les vois se transformer, quoi. Elles sont sur table, elles écoutent la musique, d'un coup, elles battent le rythme avec leur visage, elles ont le sourire, enfin, le visage s'illumine. Franchement, c'est quelque chose de très, très important. Alors, le toucher, c'est sûr que c'est musculo-squelettique, mais on fait du bien aussi à l'âme, au mental. Et la personne, elle repart vraiment avec le sourire, et ça, c'est ma plus belle reconnaissance. Bah, que ce soit avec la plateforme de répit ou avec vous, Annie, c'est qu'en fait, les personnes se sentent bien parce qu'elles ne se sentent pas jugées aussi, peut-être. Alors, aussi. Tout à fait. De toute façon, c'est, si on fait ce travail-là, c'est, on n'est pas du tout dans le jugement. C'est ce que je dis à chaque fois, à chaque personne. Tout ce qui est dit et tout ce qui est dit, à l'Institut, de toute façon, ça reste à l'Institut. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider, pour accompagner et pour que la personne, elle puisse avoir vraiment, enfin, qu'on puisse avoir une relation de confiance. Et ça, c'est hyper important. Franchement, moi, je vis des moments super magiques avec les aidants ou les aidés ou avec toute autre personne. Et c'est quelque chose... je dis toujours, je devrais prendre en photo la personne quand elle arrive et quand elle repart. D'ailleurs, il y a une cliente, une fois qu'il l'a fait, les personnes, elles sont émerveillées. Elles me serrent dans leurs bras, elles me prennent les mains. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le regard, quoi. C'est vraiment très important. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que, je suis sûre que, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie quand les personnes, elles sont là. Mais je transmets aussi, après, à Juliane et son équipe, tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que la personne aussi a pu vivre pendant la séance. Parce que quelquefois, comme je disais, je peux avoir un autre point de vue par rapport à des situations que les personnes vivent et que peut-être avec Juliane et son équipe, ça ne s'est pas manifesté. Ça ne s'est pas manifesté par la personne. Exactement, oui. Et quand on parle de confiance, c'est pour ça qu'on doit aussi avoir confiance avec les partenaires avec qui on intervient, où on leur confie des personnes qui eux-mêmes ont confiance en nous. Donc on fait toujours le lien sur toutes les activités, on a un contact avec les professionnels. Donc dans le cadre des rendez-vous de bien-être, les intervenantes avec qui on travaille sont en capacité d'accueillir un proche, enfin une personne malade. Et ça, c'est rare de trouver des professionnels en qui l'aidant va pouvoir laisser son proche le temps d'une heure, une heure et demie, seul, et savoir que quand ils vont ressortir, ils vont être soulagés. Donc ça soulage autant l'aidant que la personne dépendante. Et c'est vrai que les aidants, à force d'aider, ils savent même plus ce que ça fait de se détendre. Ils sont 24 heures sur 24 sur le qui-vive. Et on peut avoir des résultats assez intéressants de voir une personne qui nous dit, j'ai pas dormi de la nuit après mon rendez-vous parce que j'ai plus l'habitude, mon corps n'a pas compris ce qui s'est passé. Et maintenant, avec le recul, elle se rend compte, en fait, que ça fait trop longtemps qu'elle est à cran et qu'elle sait même plus ce que c'est que d'être bien, de prendre du temps pour elle et de se ressourcer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se sont jamais fait masser. Et ça, c'est quelque chose aussi où j'ai pu vivre cette situation-là avec un aidant. Il me dit non, moi j'aime pas qu'on me touche. Et il a essayé. Et quand il est, donc je lui ai fait un massage, je crois que c'était le massage des pieds. Et quand il est descendu de la table, c'était des pleurs, quoi. Mais c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs. Émotion, c'est le corps qui lâchait, quoi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien, je reviendrai. Et en fonction des retours qu'on a, nous, on peut orienter vers une psychologue, parce qu'on travaille avec une psychologue qui peut intervenir à domicile, au domicile du proche, ou alors l'aidant se déplace à son cabinet. Après, en fonction des retours qu'on a, on voit comment nous les accompagner. C'est complémentaire, en fait. On peut pas se passer d'elle. C'est vrai. Donc Annie, en fait, on peut penser que le cerveau peut être fatigué, mais le corps aussi, il peut être fatigué. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Si l'âme va pas bien, le corps n'ira pas bien. De toute façon, moi, je travaille beaucoup justement avec les maux du corps. Et quand il y a des maladies, quand il y a des blocages, quand il y a des tensions, des tendinites, même des cassures, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de l'âme, au niveau du mental. Et ça, j'arrive maintenant par expérience à expliquer pourquoi ça peut arriver. Ce sont des émotions qui sont bloquées au niveau du corps. Et les émotions sont pas manifestées, elles sont pas dites. vite, elles sont pas criées, quoi. Donc le corps après il souffre énormément. Et je rebondis quand même sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à les dents, Juliane. C'est que moi je dis souvent à les dents, prenez soin de vous. C'est très important parce que si les dents ne va pas bien, les dents ne pourra pas aider la personne qui est malade. Et après, ça peut être le couple qui peut s'effondrer ensemble. Donc ça, il y a un besoin de enfin, je dis qu'il faut que la personne, elle prenne soin d'elle. Par des massages, ou par aller voir un psychologue, ou par des activités, mais en tout cas, faire des choses un peu pour elle, toute seule, pour pouvoir aider l'autre. Oui, parce que si elle s'oublie, ça peut amener de la frustration, peut-être un peu de la honte et de la colère aussi. Oui, et aussi ça peut être de la culpabilité. Enfin, il y en a beaucoup, je vois, qui ont beaucoup de la culpabilité, oui. Et après, ça rebondit sur le corps, et après, la personne, elle est mal, et elle ne peut plus s'occuper de ça, la personne malade. Parce que ça vient aussi d'un diagnostic, de voir son proche, enfin voilà, imaginer son proche se dégrader, donc il y a l'affect qui est lié, et du coup, ils disent, voilà, cette maladie, elle vient d'arriver, je vais tout faire pour que ces années à venir, elles soient bien au maximum. Et en fait, dans cette situation-là, les aidants ne posent pas forcément leurs limites et ils se rendent compte quand il y a un gros problème de santé que oui, en fait, ils sont épuisés. Généralement, nous, on est là aussi pour les prévenir que voilà, il y a des symptômes, il y a des warnings, et il faut aussi s'écouter parce que s'ils prennent pas soin d'eux, ils pourront pas accompagner au mieux leurs proches. Donc s'ils sont dans cette mentalité-là de bon voilà, il faut que je l'aide, il faut que je sois un super aidant, un super mari, un super enfant, et ben il faut aussi prendre soin de soi, garder des activités pour soi, des temps pour soi. Pour certaines personnes, il est difficile d'admettre qu'elles pourraient avoir besoin d'aide, peut-être par fierté ou par un sentiment de honte aussi. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'elles n'hésitent pas à vous contacter ou venir vous voir ? Il n'y a pas de honte à s'occuper d'un proche, mais il ne faut pas voir ça non plus comme un devoir ou une obligation. Il faut aussi se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on a encore le rôle initial qu'on avait dans la relation ? Ou est-ce que le rôle d'aide-soignant, d'auxiliaire de vie n'a pas pris le dessus sur la relation ? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut fixer aussi ses limites. Jusque quand je vais m'occuper de mon proche sans aide. Et ce qu'on fait aussi, donc ça, on l'aborde à la formation des aidants. Donc j'ai été formée par l'Association française des aidants de remettre le je à la place du nous. Souvent, les aidants parlent à la place du proche. Quand on leur demande ça va, ils vont dire mon mari m'a réveillée cette nuit. C'est pas j'ai mal dormi. C'est voilà, ils parlent souvent à la place de leur proche. C'est important de les remettre au centre de leur propre vie aussi et de leurs préoccupations. Et justement, à toutes ces personnes qui peuvent nous écouter, qui sont dans une relation d'aidant ou qui connaissent autour d'eux une personne qui s'occupe d'un proche, que ce soit un enfant en situation de handicap ou un parent dépendant, il y a beaucoup de choses qui existent. On a la chance de pouvoir proposer un service à destination des aidants sur notre territoire. Il faut s'en saisir, mais il faut aussi y aller progressivement. Ça peut déjà commencer par quelques aides à domicile ou rien qu'une écoute. On essaye d'avoir un service qui propose un maximum de solutions parce que ça va être une personne qui est en activité, qui peut pas participer aux activités collectives de liens sociaux, etc. Et il y a toujours un rendez-vous avec la psychologue qui peut déjà faire du bien ou un rendez-vous de bien-être avec Annie ou les autres praticiennes avec qui on intervient. Donc voilà, il y a toujours une petite chose qu'on peut proposer. Et si ça c'est pas le moment, mais au moins de savoir qu'on existe et prendre conscience de l'importance de ce rôle et à quel point il peut prendre toute la place dans une vie. Et justement, on parlait des activités depuis tout à l'heure, mais vous proposez quoi comme activité ? Alors, je vais essayer de pas vous perdre, mais du coup, on est obligé d'avoir un service très complet. Donc, ça va d'un séjour répit d'une semaine en partenariat avec la NCV, le programme Senior en vacances, à des activités collectives de gym douce avec Ciel Bleu sur Vanier et Cornimont, de la musique avec Fassi Bao, donc c'est un instrument adapté. Donc, toute personne peut jouer de la musique, même une personne qui ne peut pas se déplacer, qui est en fauteuil. Donc ça, ce sera sur Certini et le Toli. On propose du chant à l'EHPAD des Lois avec l'association Les Fruits du Hasard, des rendez-vous de bien-être individuel avec Annie Morel, masseuse à côté de moi, Sylvie Quiterio, réflexologue plantaire à Remiremont, et Jessica de France sur Remiremont en shiatsu. En plus de ça, avec l'animatrice, on organise des actions collectives, donc les jeudis et les mercredis. Donc les jeudis, ça va être tout ce qui est convivial. On a à cœur de pas mettre en échec la personne dépendante et ni de l'infantiliser. Donc ça va être des activités qui vont autant pouvoir inclure l'aidant et le permettre de prendre du répit, mais aussi à l'aider de pouvoir faire encore des choses dont l'aidant ne pense pas forcément son proche encore capable. On propose aussi aux aidants une gazette bimensuelle pour continuer de faire le lien avec eux pendant la crise du Covid. On les appelait régulièrement, mais ce service n'était pas suffisant. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres plateformes de répit qui leur proposaient un petit journal bimensuel où voilà, on fait le point sur les activités, des photos, des articles. Et comme ça, ça permet de continuer à faire le lien. Il y a la journée bien-être aussi. Donc la journée bien-être, c'est aussi l'occasion de faire connaître les intervenants à qui on propose des massages et voilà, du bien-être du corps. Donc sur une journée avec un repas, les aidants et leurs proches peuvent venir et ont droit à 3-4 rendez-vous individuels pour découvrir ces pratiques-là et du collectif aussi, donc zoothérapie, etc. Mais au maximum, ce que je voulais dire, c'est que on s'adapte en fonction de leurs besoins. Donc on va avoir par exemple un couple qui va nous dire, une aidante qui va nous dire, ça me pèse de plus pouvoir échanger autour d'un film qu'on regarde le soir à la télé parce qu'il dort, parce qu'il est plus capable de communiquer. Et du coup, tout de suite, on réagit, on met en place des cinémas. Donc, avec le cinéma Le Majestic, on peut organiser des cinémas des aidants. Les aidants vont voir un film et leurs proches, sur le même temps, vont voir un film plus adapté. Ou alors, on organise autre chose dans une salle, mais voilà, pour que les aidants puissent retourner au cinéma. Et voilà, sur toutes nos activités, on essaye de refaire des choses qui ne s'autoriseraient plus, des repas, des vacances. Voilà, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup d'entraide. Il y a des aidants qui vont aider d'autres aider. Et il y a vraiment de belles relations qui se créent. Il n'y a jamais de jugement et c'est vraiment de l'accompagnement parce qu'au final, ils sont entre pairs. Et même si ce n'est pas la même pathologie, ils rencontrent les mêmes difficultés. Et voilà, donc c'est vraiment des bons moments. Nous allons faire une deuxième pause musicale avant de continuer de parler de la plateforme de répit. On vous laisse avec Jean-Philippe Thiéphaine. À tout de suite sur RGM. La soufflerie où se terre le mystère inquiet, des ondes et de la symétrie, des paramètres au cœur violet. Je vois des voiles d'aluminium au fond de mon regard distrait, des odeurs de mercure au chrome sur le registre de mes plaies. Glacé sur mon sourire, laisse une traînée de buée. Quand je regarde l'avenir, au fond de mes yeux nécrosés, le vide a des lueurs d'espoir qui laisse une ombre inachevée sur les pages moisies de l'histoire où je traîne ma frise argentée. Regarde, s'efface, je suis l'étranger dans la glace, ma mémoire s'efface. Adoucit les contours, des ratures sur mes triolets. La valse des nuits et des jours se perd dans un murmure discret. les matins bleus de ma jeunesse, cerises en flots multicolores sur les molécules en détresse, dans le gris des laboratoires. Mais mon regard s'efface, je suis l'étranger dans la glace, ma mémoire s'efface. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Juliane et Annie. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Alors moi j'avais une question, Juliane, c'est est-ce que vous gardez contact avec les personnes qui font appel à vous ? Oui, on garde toujours une trace des appels qu'on peut avoir, autant si c'est des personnes qu'on ne peut pas accompagner pour faire remonter les besoins à l'ARS qui nous finance. Et sinon, on a aussi décidé, pour pouvoir accompagner vraiment un maximum les aidants qui s'occupent quotidiennement d'un proche à domicile, d'arrêter l'accompagnement au bout de 3 mois à partir du moment où le proche est placé en établissement ou est décédé. Après, bien évidemment, on l'adapte en fonction de la situation. Si la personne revient seulement 5 mois après et a besoin de notre accompagnement, on l'accueille encore 3 mois, voilà. Et on garde bien sûr contact avec eux, y a des liens qui se créent. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours des personnes qui ont fait appel à vous ? Oui, des témoignages des bienfaits de notre accompagnement. On en a, je ne vais pas dire régulièrement, mais voilà, on a toujours des grands merci, des « vous m'avez sauvé la vie ». Donc bon, il faut aussi rester humble face à tout ça. Mais oui, on a des retours et les aidants, je vous ai dit, pour nous, ce n'est pas grand-chose, mais pour eux, ça va être tellement énorme parce qu'ils partent du principe que c'est naturel et c'est normal de s'occuper de son proche, alors que pas forcément. Et nous, avec les petites choses qu'on met en place pour eux, c'est démesurer le bienfait que ça leur apporte et ils nous le rendent. Et c'est ce qui donne aussi de se bouger les fesses et de faire toujours mieux pour eux. Comment ça se passe l'admission au sein du Régévo ? Alors, on prend contact avec les personnes que nous orientent les partenaires qui interviennent à domicile aussi. Donc souvent, ça va être les coordinatrices du centre local d'information et de coordination qui rencontrent des situations d'aidants, qui prennent leurs coordonnées, qui nous les transmettent. On a aussi des médecins, la médecin gériatre de l'hôpital. Donc voilà, donc il y a déjà ce climat de confiance avec les aidants, parce qu'ils les rencontrent dans le cadre médical ou d'un accompagnement pour des aides, et etc. Et nous, avec ces renseignements-là, on prend contact avec eux et on leur propose de les rencontrer à domicile. Il n'y a pas d'adhésion, on remplit un dossier avec leurs informations pour pouvoir leur envoyer mensuellement les activités qu'on propose et après recenser leurs inscriptions en fonction de leurs besoins. Mais voilà, il n'y a pas d'adhésion. S'ils décident de ne pas venir pendant 3 ans, ils ne viennent pas pendant 3 ans. S'ils décident de venir tous les jours, ils viennent tous les jours. Alors vous avez différents partenaires, à savoir Adavi, l'ADMR et Argicarco. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui. On est financé par l'Agence régionale de santé pour tout ce qui est l'activité principale de notre service, donc le répit de l'aidant avec les activités. Mais quand on désire développer d'autres solutions de répit, on fait appel à des caisses de retraite, voilà, à des financements extérieurs pour compléter notre offre de répit. À Davy, on est partenaire avec eux pour proposer des transports aux aidants et à leurs proches, parce que ça peut être une difficulté pour eux de se rendre aux activités, surtout quand on propose quelque chose sur Remiremont et qu'ils habitent à Gérardmer, ça peut être un frein. Et voilà, pour faciliter leur intégration aux activités et au groupe, on leur propose pour 2 euros un transport avec Adavi. Et pour les personnes à mobilité réduite, on propose aussi des transports. Alors j'ai lu sur votre site internet que vous proposez des formations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est une formation sur 6 modules. Les 2 premiers modules sont obligatoires et après c'est en fonction des thématiques et ce qui les intéresse. Sur ce temps de formation, on propose la garde des proches aidés en parallèle sur le même lieu, avec l'auxiliaire de vie. Et on va vraiment mettre les dents au centre de la formation. On va pas forcément on va pas donner des informations sur les maladies en particulier, mais vraiment sur l'aidant, son rôle, ses limites, ses besoins, la conciliation de l'aidant avec sa vie d'aidant et sa vie professionnelle, sa vie sociale, etc. C'est pas une formation diplômante. Il n'en ressort pas avec un diplôme, mais voilà, c'est eux qui font la formation. C'est à partir de leurs informations, de leur expérience, qu'on va construire et animer les thématiques des modules. Nous allons faire une dernière pause musicale avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Pierre Perret. On se retrouvera juste après sur le 107. Il s'agit d'un oui-oui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rince la cloison au crochet fraison, un bordeaux pas piqué et hanneton. Dans un temps, il y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse, qui lui vante son magasin à fesses. Au Torguayo, le patron s'appelle Bruno, il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, les premières douleurs au dessert, l'estomac à genoux qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons, les rotules de grand-mère du beurre à côté du bifteck comme vapeur. Si avant d'entrer il te reste une molette, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Au Torguayo, le patron s'appelle Bruno, sa femme est morte il y a 3 mois d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, il y en a plus baiser, ils sont tous devenus des rides du chef. Je me souviendrai longtemps d'un casier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au Torguayo, le patron s'appelle Bruno, il envoie des postillons, ça fait les yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage, son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites, ou alors c'est que t'as de la sinusite. Comme Bruno a un gros panari, le médecin a prescrit un mari, mais subrepticement, en tapant l'assiette, il le glisse au chaud dans la blanquette. Au Torguayo, le patron s'appelle Bruno, rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Il s'agit d'un oui-oui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rince la cloison au coup de chef maison, un merci pas piqué les hannetons. Cet endroit est tellement sympathique, qu'il y a déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu, pas être invité, ni filmé par les actualités. Au Torguayo, le patron s'appelle Bruno, allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent. 7.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Après avoir passé ces quelques minutes avec Pierre Perret, je vous propose de nous retourner une nouvelle fois, une dernière fois avec Annie et Juliane. Alors Juliane, c'est quoi l'actualité de la plateforme de répit? Il y a plusieurs choses. On va développer encore d'autres activités et proposer d'autres services pour les aidants, parce qu'il y a, certains besoins auxquels on ne pouvait pas répondre encore actuellement. C'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude des aidants, c'est qu'est-ce que je fais de mon proche si je dois être hospitalisé. Et souvent, ils se refusent à l'hospitalisation ou voilà, à certains traitements parce que ça peut perturber leurs proches. Donc nous, ce serait les objectifs à plus ou moins long terme, c'est de proposer un système de garde à domicile pour les aider, mais surtout pour répondre à la situation d'urgence. Donc comme il y aurait déjà une relation de confiance avec les professionnels qui seraient donc salariés de la plateforme de répit, ce serait plus facile pour eux aussi de nous appeler si jamais là il y a une chute et qu'ils sont hospitalisés, et nous on pourrait faire le relais avec les établissements. C'est ce qui est intéressant aussi avec notre le partenariat avec l'association Régévo, c'est qu'on fait le lien entre le domicile et l'établissement. On les invite à déposer un dossier en établissement au cas où il se passe quelque chose, que les gens ne puissent plus assurer l'accompagnement du proche s'il n'y a pas de famille autour, pour pas qu'ils se retrouvent seuls à domicile et que la personne puisse être hospitalisée sans se faire trop de soucis. Et dans un plus court terme, on part en séjour répit une semaine au manoir de Lacanche dans le Nord, avec 12 couples, 12 binômes aidants aidés, 3 aides-soignantes qui assureront les besoins en aide quotidienne sur place. Et voilà, ça va être sympa. Beau projet. Et quels sont vos futurs projets à toutes les deux? Alors, pour moi, bien sûr, j'aimerais bien continuer le partenariat donc avec Régévo, peut-être en recevant un petit peu plus de personnes, parce que il y a le planning que tu fais, Juliane, il est complet presque jusqu'à la fin de l'année. Elle est victime de son succès. Et c'est vrai que une fois par mois, donc c'est peut-être pas assez, mais après faut que qu'on en discute, qu'on voit ensemble. Et puis moi, j'ai peut-être un projet là avec une association qui s'occupe des personnes traumatisées crâniennes et cérébrales. Pareil, faire une journée bien-être sur place, sur Épinal, un après-midi bien-être où je pourrais justement donner toujours de la bienveillance et puis masser les personnes pour qu'elles puissent lâcher prise et que ça leur fasse le plus grand bien. Et j'ai toujours ce projet aussi de travailler avec les maisons de retraite et donc va falloir que je relance. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet et les réseaux sociaux toutes les deux? Alors oui, la plateforme de répit, donc on a un site internet, c'est regevo.fr. Donc Réseau Gérontologique des Hauts-de-Vosges, pour pas se tromper dans l'acronyme. Et sinon, on a une page Facebook où on met les gazettes des aidants, où on met toutes les photos des activités. Si vous voulez vraiment avoir une représentation de l'ambiance dans le groupe, c'est sur Facebook que vous nous retrouverez. Plateforme d'accompagnement et de répit, Régévo. Et moi aussi, donc je suis sur internet, donc sur Facebook, donc Annie Bien-être, voilà, vous tapez Annie Bien-être, vous tomberez sur ma fiche, vous tomberez sur ma fiche Google aussi, si vous tapez sur Google. J'ai un site internet et je pense que Laura, vous allez mettre toutes ces informations sous le post. Bien sûr. Voilà, super. J'ai mon institut donc qui est sur Saint-Étienne-lès-Miremont, donc sur la Manvillée. Donc alors pour venir chez moi, c'est pas toujours pratique, mais si vous avez Waze ou Google, vous tapez Annie Bien-être et il y a l'itinéraire qui est bien indiqué. Et voilà, et mon institut est derrière la maison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à toutes les deux? Qu'on puisse continuer à transmettre, transmettre notre bienveillance, notre amour inconditionnel qui passe beaucoup par le toucher. Et puis voilà, c'est tout. Alors nous, pas grand-chose, mais je dirais qu'aux personnes qui se sont senties concernées dans cette interview, de venir à nous, nos portes sont grandes ouvertes, autant Annie que nous. Et c'est important de prendre soin de soi et on est là pour vous accompagner. Il y a pas de prise de tête, hein. Vous le méritez. Ce que vous le faites bien. Et voilà, faut se déculpabiliser. C'est très joli. Cette émission est maintenant terminée. Annie et Juliane, merci d'avoir été avec nous. Merci Laura. Merci Laura, merci Juliane. Merci Annie. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Moi, je vais y réfléchir. Annie, j'en dis jamais 203. Ah oui, c'est ce que je pensais ce matin. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.